Et là, tu parais à moi. Moi, je m'appelle Lita. Quand je rêve, lui, c'est Lola qui saigne. Quand vous scammez là, je la. On ferait aussi, vu qu'en phénomène, je m'appelle Lolita. Lors des villes, j'amour, tu le viennes. C'est pas ma faute, à cause de ma lançant, je vais les jeter. Tu prêt à 16 et t'es sur moi, c'est pas ma faute, moi. Si c'est tu en tout de moi, hello Elitea, moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita. Quand les yeux ne battent plus de méthylène, moi je m'appelle Lolita. Quand le reste pas mi-coton, mi-laine, moi tout semble ce qui dit pas. En moment que je suis un phénomène, je m'appelle Lolita. L'autre filon, j'amour, tu le viennes. C'est pas ma faute, et quand je dans ma lassa, je vois les autres. Tu prêt à 16 heures sur moi, c'est pas ma faute, moi. Si c'est tout en tout de moi, hello Elitea, moi Lolita. C'est pas ma faute, et quand je dans ma lassa, je vois les autres. Tu prêt à 16 heures sur moi, c'est pas ma faute, moi. Si c'est tout en tout de moi, hello Elitea, moi Lolita. Lolita. Lolita, Lolita, Lolita. C'est pas ma faute, et quand je dans ma lassa, je vois les autres. Tu prêt à 16 heures sur moi, c'est pas ma faute, moi. Si c'est tout en tout de moi, hello Elitea, moi Lolita. C'est pas ma faute, et quand je dans ma lance, je vois les jetres. Tout prêt à 16 heures sur moi, c'est pas ma faute, moi. Si c'est tu en tout de moi, hello Elitea, moi Lolita.